Ma chanson, c'est pas une histoire, Pierre. En tout cas, vu que ton école, c'est la mienne, Gaston. Ils nous ont oubliés. On me disait souvent qu'elle est dans une cabane en bambou. Elle met tout ton village à leur plat. Pas la France, mais d'un vitrier. Entre Lyon et nous, les chefs ont des bâtards. Je joue pas les fées clochettes, on est pas des Einstein. Grossir des équipes, ça rapporte niette. Si tu peux pas dans nos bâtiments barricadés, laisse tomber. Moi, j'ai pas envie de lever des murs. Vu que je te parle d'aller voler la lune. Infernal, qui me dépêche, international. Ça tue avec des phrases courtes. Reste à la base, t'es contre un putain de trafiquanté. Reste les papiers, laisse juste tes billets. Et gros, repite à l'homme, il s'agit de faire vite et vrai. Rentrer les billets, c'est que sous l'œil du dragon, y'a rien à construire. L'Indien, sous Popo, El Colombiano, essaie de comprendre. Même si peu de mots suffisent, demande à Momo. Serre les chaînes et vous laisse, parle pas de malheur. Ma cause, on s'est mis boulatch. Lyrics trop véritable, brigand, dit sauvage. J'suis là, osé, posé. J'ai posé mon quart d'heure, ça cosy. Matière crise dangereuse, écoute mon bruit. Et tu comprendras mon esprit, reste sauvage. Lâche ta cam, je ramène la pure en quatre pannes. Allez, joue pas fleur sèche. Les plats le rap sans ces mecs. Il suffit de faire des textes en dépit du bon sens. Transcrire le contexte, faire preuve de cohérence. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Trop souvent, omnibulés par nos propres parcours. Bienvenue à Saint-Étienne dans la ville grise. La ville n'est pas rose, mais bien sombre comme le mur du 42 000. L'état éclaircisse nos rues, nos villes, nos blocs. Ici c'est grave comme l'amour est mort. On prend notre pied en provoquant les flics, en détournant du fric. Pas d'utopie ou de paradoxe dans nos paroles. On reste contestataire, les pieds dans le terre-terre. Vivez plein, représentant commercial. Viens par l'enfer, le maire pleure. On parle dans ce troisième millénaire. Plus personne de solidaire, en conséquence aucune issue à notre colère. Dans l'innocence, comme tous ces jeunes, les poches vides tombent dans la délinquance. Parle à moi du gain, si tu fais un truc, mets une cagoule et des gants. Ici c'est les gangsters, avec l'ambition de finir des grandes stars. Et mon bleu torse comme un kamikaze. Encore ce que l'on a montré à la plata, concentre la fria qui vivra verra. On s'enterre à l'alcool, une fois par terre, les potes en terre, histoire d'être sûr que tu te relèves pas. Texte censé, sans censure, parce que sûr de qui sont les vrais assassins. Un cauchemar dans l'Eldorado, 42 dans la Loire, m'arrache sur un radeau. Avant de m'allonger dans le caveau, je sais pas si je déposerai pas une bombe dans Comico. Et qu'on mettra un outrage à mon égard. Ma parole au tribunal vaut pas un pétard, alors ces bâtards m'allument dans le cul, la finir au plus tard. J'ai plus rien. Tard, dans le sourire, dans le regard, j'ai trop la haine contre eux. Mets-moi dans l'arène avec un keuf sale képi. Bienvenue à Saint-Étienne dans la ville grise. La ville n'est pas rose, mais bien sûr comme le mur du 42 000. Les tags éclaircissent nos rues, nos vies, nos blocs. Au gros, repite ta langue, il s'agit de faire vite et vrai. Rentrer les billets, c'est que sous l'œil du dragon, y'a rien à construire. L'Indien sous Popo, El Colombiano, essaie de comprendre. Même si peu de mots suffisent, demande à Momo. Serre les chaînes et loue, laisse. Parle pas de malheur, ma cause, on s'est mis boulatch. Lyrics trop véritable, brigand. Dit sauvage, je suis là, osé, posé. J'ai posé mon quart d'heure, ça cosy. Matière crise dangereuse, écoute mon bruit. Et tu comprendras mon esprit.